Que j'aime pas les phases de merde. Il va pas croire que je l'aurais fait si j'avais du temps à perdre. Puis c'est même pas car j'ai un truc important à faire. Trouver un endroit où t'es pas là à me pomper l'air. Faut que j'aille au frigo chercher une canette. Faut que je trouve un bide. D'ailleurs, en parlant de ça, pas un pet, vas-y, mais pas un apollo. Ce soir c'est la fête, mais ne me parle pas trop, s'il te plaît. Ça prend la tête, moi. Je vais aller bouger les bras. Brûle de gras. J'aille sur le plat, comme d'un coup de plus bas. Bouge de là, bouge de cas. Moi je ne risque pas, non, je ne suis pas bouté. Normal, il paraît, et j'ai la saveur. Un type banal, mais qui vient d'ailleurs. J'ai dit ça, tu le sais, demande à ta soeur, je suis qu'un type normal, c'est vrai, mais le meilleur. Thank you.

Thank you.